Les mondes s'ouvrent dans la brume et le vent. Près de ce qui est l'avance, chaque univers un chant. Des rues de GTA aux bases humides de Russes. Chaque pas est destin, chaque souffle est juste. Sable et tempête en rythme, chaque grain devient écho, chaque mouvement ultime. Sur Sea of Thieves, les vagues roulent et hurlent. Riders qu'ils commandent, les voiles se déroulent. Les bases de Russes, sous la pluie et le feu. Chaque raid devient légende, chaque bataille un vœu. Wild West Supermarket, chaos et lumière. Les alliés chantent. Légende entrelacée, feu, mer, sable et béton. Rire de ce qu'il mène, chaque monde en union. Des mers aux dunes, des rues aux bases. Chaque victoire grave et nos traces des océans. Au marché des villes aux tempêtes, nos voix s'élèvent. La légende nous amène. Les ennemis tombent, mais les mondes s'élèvent. Chaque clic devient épique, chaque tir s'achève. Riders qu'il avance, maître des destinées. Chaque univers plie, chaque joueur est guidé. On reconstruit, on chante, on marche dans la brume. Chaque monde devient légende, chaque cri s'allume. La solidarité traverse pixels et tempêtes. Chaque souffle, chaque tir devient fête. Un souffle parcourt l'espace, un cri résonne. Riders qu'il sourit, chaque univers frissonne. Chaque action, chaque pas, chaque tir, chaque onde, forgeant la légende où chaque monde répond. Légende entrelacée, feu, mer, sable et béton. Riders qu'il s'apaise, mais la légende perdure. Riders qu'il disparaît, maître sûr et pur. Chaque univers respire, mais l'histoire continue. Le feu, la mer et le sable, éternelle avenue. Parallèle avenue.